Édition d'août 2015. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Au moment d'écrire ces lignes, soit le 31 juillet au matin, nous nous apprêtons à dire au revoir à beau-papa. Jean a vécu 92 printemps sur cette vieille terre, l'aîné de 5 garçons. Un homme fier, qui n'aime pas la discorde, juste, très apprécié dans son milieu de travail. Jusqu'à tout récemment, il aimait les plaisirs simples de la vie. Il voyait venir le printemps avec plaisir, parce que cela signifiait qu'il irait à la cabane à sucre. Il voyait venir l'automne avec un plaisir égal pour le blé d'Inde qu'il lui apporterait. Sa santé défaillante l'a privé de la cabane à sucre ce printemps. Il semble bien qu'il ne sera plus là pour manger du blé d'Inde cet automne. Merci, beau papa, pour votre passage dans ma vie. Dans le cadre de mes activités de juillet, j'ai continué à consacrer le temps habituel à Radio Saint-François pour les mises à jour quotidiennes, les revues de presse, la préparation hebdomadaire des bulletins d'information et la diffusion des épisodes de l'émission Les belles rencontres animées par Anne Bergeron. Le 1er juillet dernier, je réalisais la version audio de la page 1 de l'édition du 6 octobre 1883 du Progrès de l'Est, qui fut mise en ligne le 16. Le 25, je transcrivais la page 3, que je scriptais et préparais en vue du montage, le 27 juillet. Monsieur et Madame Andrew Payton sont de retour à Sherbrooke. Mademoiselle J.C. Payton et son frère restent en Angleterre. Celui-ci suivra le traitement d'un médecin célèbre jusqu'au complet rétablissement de sa santé délabrée. Un petit changement dans le service de la poste. Pendant tout le temps qu'ont duré les trains d'excursion de Montréal à Portland, les journaux de Montréal arrivaient à Sherbrooke à 11 heures de la matinée. La 19e partie des relations des Jésuites fut révisée le 1er juillet. Le 8, je l'enregistrais. J'en complétais la réalisation le lendemain. Elle fut mise en ligne le 23 juillet. Le 29, révision de la 20e partie et suite de la transcription de la 21e. Ce qu'il fit. Il le voulait prendre pour son truchement, le faisant manger à sa table, lui témoignant un fort bon visage. Mais cependant, comme je désirais grandement d'entrer dans la connaissance de la langue, et voyant que je n'avançais rien, faute de maître, je délibérai de m'adresser à Dieu, espérant que nous aurions ce jeune homme pour quelque temps. Nous nous mîmes tous à solliciter cette affaire auprès de notre Seigneur. Je sentais un si grand désir. C'est le 1er juillet que j'écoutais et sélectionnais les répliques de Gabriel pour l'épisode double 2021 du PC Show avec Paul Courtemèche. J'enregistrais mes propres répliques le 9 juillet, que j'éditais le 14. Le lendemain, je préparais les musiques et les nombreux effets sonores en vue du montage. Début de celui-ci, le 17 juillet. Fin, le 24, avec sortie du fichier MP3, conception de la pochette et tagage. L'épisode fut mis en ligne le 30 juillet. Ah, désolé mon vieux, mais c'est pas le moment de faire des manières. Oui, tu es maudit. Ah, je m'écroule, aïe! Ah, vous avez une bonne chose à faire. Oh, que c'est embarrassant! Ça lui sera bien plus si t'avais foiré le petit casse, Maren. Sans doute, mais tout de même... Non, comment sérieusement est allé toi, hein? J'espère juste qu'il n'y aura plus personne. Dieu vous entende. J'ai consacré du temps à mes recherches généalogiques en juillet. Le premier, je me penchais sur l'île Abbé. Le 5, sur l'île Abbé et les Duval. C'est le 8 juillet que je rédigeais mon billet sur le tout premier Martin de Maligny à arriver en Nouvelle-France. Suite de mes recherches sur l'île Abbé, les 9, 10 et 12 juillet. Recherche sur les Turgeons, les 18, 22, 23, 24 et 26 juillet. Le cochon du père Chenette, un conte du pays gallo, fut mis en ligne sur le blog et sur Audiocité le 2 juillet. Le même jour, je scriptais le conte suivant intitulé « Le corps sans âme ». Le 9 juillet, je révisais le script et préparais les musiques et les effets sonores en vue du montage. Enregistrement de « Le corps sans âme » le 27 juillet. Édition et montage le lendemain. Fin de la réalisation le 29. Je lui ferai son affaire. Il s'avança vers l'animal pour s'en emparer. Mais celui-ci passa la tête entre les jambes de Chenette qui, tout surpris, n'eut que le temps de lui saisir la queue pour ne pas tomber. Le tailleur se trouvait à reculons sur la bête qui l'emporta dans une course folle jusqu'au village de la Ferronnais. Ce singulier pourceau déposa Chenette à sa porte et s'apprêtait à le suivre dans la maison lorsqu'il lui ferma la porte au nez. C'est un faux cochon. J'ai passé beaucoup de temps dehors en juillet à effectuer divers travaux d'entretien et de préparation pour l'hiver prochain sur la propriété. Je suis allé aussi deux fois aux fraises avec ma conjointe, histoire de renouveler nos stocks. Le 3 juillet dernier, je récupérais et écoutais la capsule de Jean Seb, je scriptais et enregistrais mes interventions pour l'émission de juillet du podcast. Le lendemain, j'en complétais la réalisation. Étape 1 de la mise en ligne le 5 juillet. Le 6, mise en ligne sur le blog, sur Podomatic et sur Sandmap. Le cycle recommençait pour l'émission d'Aou les 30 et 31 juillet. J'ai continué à rédiger, sporadiquement, mes billets d'activité sur mon blog personnel. Le 21 juillet, je relevais les statistiques de téléchargement pour découvrir que Le Coq à la mer supérieure avait franchi les 500 téléchargements. Ce changement n'est pas paru sur le blog pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de ne plus publier les résultats des statistiques pour les productions qui ont moins de 1000 téléchargements. Le 9 juillet, la version audio des résumés des aventures de Perry Rodden pour les fascicules 170 à 179, rédigés par Michel Van Rue, furent mises en ligne sur le blog et sur Audiocité. Le même jour, je commençais à scripter la tranche suivante. Travail terminé le 24 juillet. Le lendemain, je préparais les musiques et effets sonores en vue du montage. Enregistrement de la tranche des résumés pour les fascicules 180 à 189, le 29 juillet, que j'ai édité les 30 et 31 juillet. Ils sont attaqués par des avions, mais Terre Phillips parvient à trouver le mécanisme désactivant le champ protecteur de l'île. Ils le franchissent alors que les escadres sont impitoyablement détruites par des navires. Les trois terriens et leurs deux compagnons pénètrent dans la station, mais à leur grande déception, les liaisons par transmetteur ne sont plus opérationnelles. À titre d'auteur, je me suis penché le 22 juillet sur le formulaire pour Smashwords et l'exemption d'impôts US. C'est compliqué en chien. Conclusion, je vais avoir besoin d'aide. Place maintenant à Jean-Seb, qui nous offre la deuxième partie de l'entretien qu'il a eu avec Adrien, l'auteur de projet Prototype S, que j'ai débaptisé le mois dernier. Mes excuses à Adrien et à Jean-Seb. Ici Jean-Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des Éditions de l'Avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Aujourd'hui, nous entamons la seconde partie de l'entrevue faite avec Adrien Mangold de la saga Prototype S. Depuis le mois dernier, il y a eu un petit peu de développement du côté de Adrien. Je crois que mon intervention y est pour quelque chose. Il a mis notre entrevue sur son site. Pour y accéder, allez voir projetprototype.wordpress.com. Il a été voir ses téléchargements et les chiffres qu'il a aperçus l'ont stimulé à poursuivre sa production. Et en faisant un petit peu de ménage dans ses archives, il a eu la bonne surprise de se rendre compte qu'il avait un épisode totalement enregistré et monté, qui n'avait jamais été mis en ligne, et qu'il ne lui manque que quelques répliques pour poursuivre l'épisode suivant. De ce fait, si certaines personnes veulent tenter l'expérience de faire des répliques pour une saga, Adrien semble se chercher quelques candidats. Ne vous gênez pas pour rentrer en contact avec lui ou avec moi et je lui transmettrai vos coordonnées. Et sur ce, bonne entrevue! Donc, je me suis dit, on se lance, on verra bien ce que ça donne. Et avec un peu de chance, l'audio pourra ramener des lecteurs et donc amener un retour vers le texte en lui-même et l'édition du texte. Actuellement, tu l'as fait tout seul, la production de Prototype S, t'avais-tu une expérience quelconque? C'est la première expérience audio, je me suis jeté vraiment, pas au hasard, mais sans filet, on va dire, avec aucune expérience derrière. Je suis allé au bluff, quelque part. Et oui, j'ai commencé tout seul. D'ailleurs, j'ai même à peu près terminé tout seul. Hein. L'aide que j'ai eue, ça était pour les différents personnages. À chaque fois, je trouvais des volontaires qui m'aidaient à enregistrer. Et sinon, tout ce qui était montage, bruitage, même enregistrement, hein, j'étais tout seul pour faire ça. OK. Les voix, c'est des amis? C'est des personnes que tu as recrutées sur le web? Les voix, c'est des amis, de la famille, c'est l'entourage. Voilà, c'est l'entourage. Ok. Ouais, c'est le. Ah si, alors quand même, n'oublions pas une aide précieuse qui était celle de l'illustrateur, de la famille aussi d'ailleurs. Hein. Ah oui. Très belle réalisation, hein, le genre de cyclope. Voilà. Là. Pardon? Le genre de cyclope là. Voilà, exactement, c'est lui. C'est Mathieu Decoq, pour ne pas citer son nom. Qui est un très très bon illustrateur et malheureusement qui n'a pas le temps de dessiner assez. Mais on a beaucoup travaillé ensemble au début pour certaines illustrations qui ont été beaucoup réutilisées tout au long de l'audio pour le promouvoir un peu. Ok. Okay. Tes effets sonores, tu les as trouvés où? Alors sur un site, quasiment tous sur un seul site, Universal Soundbank. Ah oui. Voilà, c'est un peu la Bible. Pardon? Tu as presque tout trouvé, oui. Tes sons là. Voilà, vraiment 99%, hein, sans exagérer. C'est vraiment très très très complet et le peu de bruitage qui manque, j'ai réussi à le faire en piochant des différents sur le site et en faisant du montage de ces bruitages là pour arriver à créer des bruits un peu particuliers, souvent propres à mon univers à moi. Ouais, ça, même pour les effets sonores, là, ça demande du temps, des fois, pour les mettre à notre main, pour les mettre avec l'ambiance aussi. Il faut que la sonorité s'accorde avec le reste de notre production. Là. Il y a souvent un petit lissage à faire, effectivement, avec le bruit brut qu'on trouve sur Internet. Alors, pas tout le temps, hein, mais régulièrement, il faut le repasser par un logiciel audio pour le mettre un peu plus grave, un peu plus aigu, un peu plus rapide ou un peu plus lent. Mais ce travail-là, on le fait qu'une fois en général, parce qu'une fois que le son a été utilisé et mis à notre sauce, on va le reprendre exactement le même son au fur et à mesure des épisodes. Donc, c'est un gros travail. À quelques reprises, exactement. Voilà. Au début, c'est un gros travail parce qu'il faut aller tout chercher. On écoute des centaines de bruitages d'affilée. L'oreille n'en peut plus assez rapidement. Mais une fois qu'on a trouvé ce qui nous intéresse, c'est toujours les mêmes qui reviennent, on sait aller où chercher. Donc le montage est beaucoup plus rapide dès qu'on a fait 5-6 épisodes. Ok, ça t'a pris combien de temps à peu près monter cet audio-là? Alors, les 6 épisodes, actuellement il y a 6 épisodes de mise en ligne. Ouais, c'est une bonne question. On va dire 3 à 4 mois. Ok. Six À temps épisodes. partiel ou au total? Non, là je compte plutôt à temps plein. Ok. Ouais. Parce que j'ai étalé ça en réalité sur 6 mois, je pense. Ouais, 5-6 mois. Mais à temps plein, ça prendrait 3 mois de travail pour faire donc les 6 épisodes. Je pense qu'il m'en aurait fallu un petit peu moins pour faire la deuxième moitié, puisque comme je disais, il y avait un gros travail de recherche au début. Là, il Oui. me faudrait, pour faire la suite, il me faudrait quand même entre 1 et 2 mois complets. Cool. Ouais, donc c'est pas anodin, c'est pas pour rien que j'ai été obligé d'arrêter. Mais le temps, on peut toujours le trouver, et s'il faut, si y a la demande qui va avec, ce sera avec plaisir que je m'y replongerai. C'est ça, avec la demande, avec le besoin, le temps se trouve. Exactement, oui, on trouve toujours le temps pour faire ce qu'on veut. Il va-t-il avoir une suite à Prototype S? Ça va dépendre de la demande. Il n'y aura pas de suite s'il n'y a pas de demande particulière Ok. d'auditeurs potentiels. Voilà. Ok. Mais la suite est déjà écrite et j'avais prévu, j'ai déjà des enregistrements même pour certaines parties de la suite. Donc pour le moment, il n'y en a pas, mais il pourrait y en avoir. Il pourrait y en avoir, il y a toujours option. Que je dise pas de bêtises, il y a 11 chapitres, donc il y avait 12 épisodes de prévu initialement. Dommage. Il y aura peut-être une scène 2, on ne sait pas. Qui sait, je suis preneur. Absolument, il s'agit juste de faire un petit peu de pression et je pense que tu serais facile à faire craquer. Ouais, ça se tente, ça se tente. Ouais. T'avais-tu besoin d'une ambiance particulière pour soit pour écrire tes livres ou pour créer tes fichiers audio? Alors oui, l'ambiance dépendait de, effectivement, comme tu le précises, de l'activité. Pour écrire, on va dire en musique, très souvent. Si j'écris, j'ai de la musique autour, donc ça me gêne pas d'avoir du. En fait, ce qui me gêne le plus, je crois, pour écrire, c'est d'avoir du silence, étonnamment, alors que certains en ont absolument besoin. Mais moi, qui ai de la musique ou de l'activité dans le train, par exemple, ou voire dans le métro, pour des conditions un peu extrêmes, on va dire, ça me gêne pas. Ok. Faut juste réussir à se plonger dans son histoire. Pour l'audio, une ambiance, c'est plutôt des conditions. Il faut être tranquille, quoi. Faut pas être dérangé, parce que rien que pour crier dans le micro, par exemple, c'est mieux. C'est mieux si pas quelqu'un qui essaye de dormir à côté ou travailler dans la pièce à côté, voilà. Absolument. Personnellement, quand j'ai des scènes comme ça à faire, je me mets dans la voiture. Ah oui. Ben, tu vois, il y a sûrement des techniques comme ça, mais j'ai pas encore eu le temps de les trouver toutes. Ouais, c'est toujours la débrouille un peu. Ah, c'est un très bon studio d'enregistrement, la voiture. Il n'y a pas Ouais. d'écho, à part que si on a des oiseaux autour, là, ou des grillons. Mais sinon, là, c'est un très bon studio d'enregistrement. Il n'y a presque pas d'écho. Moi, c'est une découverte que j'ai faite. Il y en a qui vont se cacher dans les garde-robes avec des tissus. Mais j'ai trouvé que la voiture, c'était un très bon studio d'enregistrement. Ah oui, bah écoute, tu vois, j'y avais pas du tout pensé. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais faut savoir que pour l'enregistrement, on anticipe éventuellement une autre question. J'avais un matériel très très très basique, hein. J'ai pas dépensé un centime pour le matériel. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a créé certains défauts de la qualité d'enregistrement. Pour l'anecdote, j'ai un micro SingStar pour enregistrer tout ça. Donc un micro qu'on utilise pour jouer sur la PlayStation et pour chanter dedans, devant son écran. Donc c'est quand même le bas de gamme. Et non, pour revenir un petit peu à ces histoires d'ambiance, ce qui me gênait le plus finalement en enregistrant, c'est qu'on ne pouvait pas avoir de musique en même temps. Et ça, ça C'est c'était terrible difficile, pour moi. hein? Ça prend une table de mixage à ce moment-là. Ouais, mais je veux dire de musique pour se mettre soi-même dans l'ambiance. Moi, j'aurais bien aimé enregistrer avec du Bach en même temps, par exemple, mais c'est absolument pas possible, pour des raisons évidentes. Avec des écouteurs, ça n'aurait pas fonctionné. Non, parce qu'il faut quand même se mettre un peu dans le... faut s'entendre un minimum. Non, non, faut quand même être dans son personnage, on va dire. Sans... Même sans être un grand acteur, il faut un minimum se plonger dans le personnage. Donc le silence est nécessaire. Ça demande en effet beaucoup de pratique, beaucoup de d'introspection pour essayer d'imaginer de quoi la scène va avoir l'air une fois montée. Oui, c'est pas évident d'ailleurs. Autant se mettre à la place du personnage, bon, ça, j'y arrive à peu près, puisque c'est ce qu'il faut faire constamment quand on écrit. Autant le jouer, ce personnage, c'est beaucoup plus difficile. Et j'ai bien conscience que c'est un autre bémol hein, qu'il y a à tous ces enregistrements, c'est que être acteur, ça s'improvise pas, et c'est quand même très très difficile. Même si c'est pour jouer quelque chose qu'on a créé, c'est pas, ça aide pas beaucoup. Dans notre tête et le faire sortir, c'est assez différent. Ouais, exactement, exactement. Ouais. Ah, c'est bien, on en a encore appris, hein? N'oubliez surtout pas de contacter Adrien Mangold pour l'encourager à poursuivre, pour offrir vos services de voix ou simplement pour lui dire que vous appréciez son excellent travail. Le mois prochain, nous poursuivrons avec la conclusion de cette entrevue. À vous, les studios. Merci, Jean-Seb. Suite de Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Dans l'épisode précédent, on assiste à l'interrogatoire de Mademoiselle Stangerson, la victime de l'attentat de la chambre jaune. Et maintenant, la suite. Chapitre 9. Reporter et policier. Nous retournâmes tous trois du côté du pavillon. À une centaine de mètres du bâtiment, le reporter nous arrêta et, nous montrant un petit bosquet sur notre droite, il nous dit « Voilà d'où est parti l'assassin pour entrer dans le pavillon. » Comme il y avait d'autres bosquets de cette sorte entre les grands chênes, je demandai pourquoi l'assassin avait choisi celui-ci plutôt que les autres. Rouletabille me répondit en me désignant le sentier qui passait tout près de ce bosquet et qui conduisait à la porte du pavillon. « Ce sentier est garni de gravier, comme vous voyez. » fit-il. Il faut que l'homme ait passé par là pour aller au pavillon, puisqu'on ne trouve pas la trace de ses pas du voyage aller sur la terre molle. Cet homme n'a point d'aile, il a marché, mais il a marché sur le gravier qui a roulé sous sa chaussure sans en conserver l'empreinte. Ce gravier, en effet, a été roulé par beaucoup d'autres pieds, puisque le sentier est le plus direct qui aille du pavillon au château. Quant au bosquet, formé de ces sortes de plantes qui ne meurent point pendant la mauvaise saison, laurier et fusain, il a fourni à l'assassin un abri suffisant en attendant que le moment fût venu, pour celui-ci, de se diriger vers le pavillon. C'est caché dans ce bosquet que l'homme a vu sortir monsieur et mademoiselle Stangerson, puis le père Jacques. On a répandu du gravier jusqu'à la fenêtre, presque du vestibule. Une empreinte des pas de l'homme, parallèle au mur, empreinte que nous remarquions tout à l'heure et que j'ai déjà vue, prouve qu'il n'a eu à faire qu'une enjambée pour se trouver en face de la fenêtre du vestibule, laissée ouverte par le père Jacques. L'homme se hissa alors sur les poignets et pénétra dans le vestibule. « Après tout, c'est bien possible, fis-je. »« Après tout quoi ? Après tout quoi ?» s'écria Rouletabille, soudain pris d'une colère que j'avais bien innocemment déchaînée. Pourquoi dites-vous après tout c'est bien possible ? Je le suppliai de ne point se fâcher, mais il était déjà beaucoup trop pour m'écouter. Et il déclara qu'il admirait le doute prudent avec lequel certaines gens, moi, abordaient de loin les problèmes les plus simples, ne se risquant jamais à dire ceci est ou ceci n'est pas, de telle sorte que leur intelligence aboutissait tout juste au même résultat qui aurait été obtenu si la nature avait oublié de garnir leur boîte crânienne d'un peu de matière grise. Comme je paraissais vexé, mon jeune ami me prit par le bras et m'accorda qu'il n'avait point dit cela pour moi, attendu qu'il m'avait en particulière estime. « Mais enfin, reprit-il, il est quelquefois criminel de ne point, quand on le peut, raisonner à coup sûr. Si je ne raisonne point comme je le fais avec ce gravier, il me faudra raisonner avec un ballon. Mon cher, la science de l'aérostation dirigeable n'est point encore assez développé pour que je puisse faire entrer, dans le jeu de mes cogitations, l'assassin qui tombe du ciel. Ne dites donc point qu'une chose est possible quand il est impossible qu'elle soit autrement. Nous savons maintenant comment l'homme est entré par la fenêtre et nous savons aussi à quel moment il est entré. Il est entré pendant la promenade de 5 heures. Le fait de la présence de la femme de chambre qui vient faire la chambre jaune dans le laboratoire au moment du retour du professeur et de sa fille à 1h30 nous permet d'affirmer qu'à 1h30, l'assassin n'était pas dans la chambre, sous le lit, à moins qu'il n'y ait complicité de la femme de chambre. Qu'en dites-vous, Monsieur Robert Darzac ? Monsieur Darzac secoua la tête, déclara qu'il était sûr de la fidélité de la femme de chambre de Mademoiselle Stangerson et que c'était une fort honnête et fort dévouée domestique. Et puis, à 5 heures, Monsieur Stangerson est entré dans la chambre pour chercher le chapeau de sa fille, ajouta-t-il. Il y a encore cela, fit Rouletabille. L'homme est donc entré, dans le moment que vous dites, par cette fenêtre, fis-je. Je l'admets. Mais pourquoi a-t-il refermé la fenêtre, ce qui devait, nécessairement, attirer l'attention de ceux qui l'avaient ouverte ? Il se peut que la fenêtre n'ait point été refermée tout de suite, me répondit le jeune reporter. Mais s'il a refermé la fenêtre, il l'a refermée à cause du coude que fait le sentier garni de gravier, à 25 mètres du pavillon, et à cause des 3 chaînes qui s'élèvent à cet endroit. Que voulez-vous dire ? Demanda M. Robert Darzac, qui nous avait suivis, et qui écoutait Rouletabille avec une attention presque haletante. Je vous l'expliquerai plus tard, monsieur, quand j'en jugerai le moment venu. Mais je ne crois pas avoir prononcé de paroles plus importantes sur cette affaire si mon hypothèse se justifie. Et quelle est votre hypothèse ? Vous ne la saurez jamais si elle ne se révèle point être la vérité. C'est une hypothèse beaucoup trop grave, voyez-vous, pour que je la livre tant qu'elle ne sera qu'hypothèse. Avez-vous au moins quelque idée de l'assassin ? Non, monsieur. Je ne sais pas qui est l'assassin. Mais ne craignez rien, monsieur Robert Darzac. Je le saurai. Je dus constater que monsieur Robert Darzac était très ému. Et je soupçonnais que l'affirmation de Rouletabille n'était point pour lui plaire. Alors, pourquoi, s'il craignait réellement qu'on découvrît l'assassin, je questionnais ici ma propre pensée, pourquoi aidait-il le reporter à le retrouver ? Mon jeune ami sembla avoir reçu la même impression que moi, et il dit brutalement « Cela ne vous déplaît pas, monsieur Robert Darzac, que je découvre l'assassin ?»« Ah, je voudrais le tuer de ma main !» s'écria le fiancé de Mademoiselle Stangerson avec un élan qui me stupéfia. « Je vous crois !» fit gravement Rouletabille. « Mais vous n'avez pas répondu à ma question !» Nous passions près du bosquet, dont le jeune reporter nous avait parlé à l'instant. J'y entrai et lui montrai les traces évidentes du passage d'un homme qui s'était caché là. Rouletabille, une fois de plus, avait raison. « Mais oui !» fit-il. « Mais oui, nous avons affaire à un individu en chair et en os, qui ne dispose pas d'autres moyens que les nôtres. Il faudra bien que tout s'arrange. » Ce disant, il me demanda la semelle de papier qu'il m'avait confiée et l'appliqua sur une empreinte très nette derrière le bosquet. Puis, il se releva en disant « Parbleu !» Je croyais qu'il allait maintenant suivre à la piste les pas de la fuite de l'assassin depuis la fenêtre du vestibule, mais il nous entraîna assez loin vers la gauche en nous déclarant que c'était inutile de se mettre le nez sur cette fange et qu'il était sûr maintenant de tout le chemin de la fuite de l'assassin. Il est allé jusqu'au bout du mur, à 50 mètres de là, et puis il a sauté la haie et le fossé. Tenez, juste en face ce petit sentier qui conduit à l'étang. C'est le chemin le plus rapide pour sortir de la propriété et aller à l'étang. Comment savez-vous qu'il est allé à l'étang ? Parce que Frédéric Larsan n'en a pas quitté les bords depuis ce matin. Il doit y avoir là de fort curieux indices. Quelques minutes plus tard, nous étions près de l'étang. C'était une petite nappe d'eau marécageuse, entourée de roseaux, et sur laquelle flottaient encore quelques pauvres feuilles mortes de nénuphars. Le grand Fred nous vit peut-être venir, mais il est probable que nous l'intéressions peu, car il ne fit guère attention à nous, et continua de remuer du bout de sa canne quelque chose que nous ne voyions pas. « Tenez, fit Rouletabille, voilà à nouveau les pas de la fuite de l'homme. Il tourne l'étang ici, reviennent et disparaissent enfin. près de l'étang. Juste devant ce sentier qui conduit à la grande route d'Épinay. L'homme a continué sa fuite vers Paris. Qui vous le fait croire ? Interrompis-je. Puisqu'il n'y a plus les pas de l'homme sur le sentier. Ce qui me le fait croire ? Mais c'est ces pas-là, ces pas que j'attendais. S'écria-t-il en désignant l'empreinte très nette d'une chaussure élégante. Voyez ! Et il interpella Frédéric Larsan. Monsieur Fred ! Cria-t-il. Ces pas élégants, sur la route, sont bien là depuis la découverte du crime ? Oui, jeune homme, oui, ils ont été relevés soigneusement. Répondit Fred sans lever la tête. Vous voyez, il y a les pas qui viennent et les pas qui repartent. Et cet homme avait une bicyclette ! S'écria le reporter. Ici, après avoir regardé les empreintes de la bicyclette qui suivait aller-retour les pas élégants, je crus pouvoir intervenir. La bicyclette explique la disparition des pas grossiers de l'assassin, fis-je. L'assassin, aux pas grossiers, est monté à bicyclette. Son complice, l'homme aux pas élégants, était venu l'attendre au bord de l'étang avec la bicyclette. On peut supposer que l'assassin agissait pour le compte de l'homme aux pas élégants ? Non, non. Répliqua Rouletabille avec un étrange sourire. J'attendais ces pas-là depuis le commencement de l'affaire. Je les ai. Je ne vous les abandonne pas. Ce sont les pas de l'assassin. Les autres pas ? Les pas grossiers ? Qu'en faites-vous ? Ce sont encore les pas de l'assassin. Alors, il y en a deux ? Non, il n'y en a qu'un. Il n'a pas eu de complice. Très fort ! Très fort ! Cria de sa place Frédéric Larsan. Tenez ! Continua le jeune reporter en nous montrant la terre remuée par des talons grossiers. L'homme s'est assis là et a enlevé les godillots qu'il avait mis pour tromper la justice. Et puis, les emportant sans doute avec lui, il s'est relevé avec ses pieds à lui et, tranquillement, a regagné au pas la grande route en tenant sa bicyclette à la main. Il ne pouvait se risquer sur ce très mauvais sentier à courir à bicyclette. Du reste, ce qui le prouve, c'est la marque légère et hésitante de la bécane sur le sentier, malgré la mollesse du sol. S'il y avait eu un homme sur cette bicyclette, les roues fussent entrées profondément dans le sol. Non, non, il n'y avait là qu'un seul homme, l'assassin à pied. Bravo, bravo ! Fit encore le grand Fred. Et tout à coup, celui-ci vint à nous, se planta devant M. Robert Darzac et lui dit « Si nous avions une bicyclette ici, nous pourrions démontrer la justesse du raisonnement de ce jeune homme, M. Robert Darzac. Vous ne savez pas s'il s'en trouve une au château ?»« Non, » répondit M. Darzac. « Il n'y en a pas. J'ai emporté la mienne il y a 4 jours à Paris, la dernière fois que je suis venu au château avant le crime. »« C'est dommage, » répliqua Fred sur le ton d'une extrême froideur. Et, se retournant vers Rouletabille, « Si cela continue, » dit-il, « vous verrez que nous aboutirons tous les deux aux mêmes conclusions. » Avez-vous une idée sur la façon dont l'assassin est sorti de la chambre jaune ? Oui, fit mon ami. Une idée. Moi aussi. Continua Fred. Et ce doit être la même. Il n'y a pas 2 façons de raisonner dans cette affaire. J'attends pour expliquer devant le juge l'arrivée de mon chef. Ah, le chef de la sûreté va venir ? Oui, cet après-midi, pour la confrontation dans le laboratoire devant le juge d'instruction de tous ceux qui ont joué ou pu jouer un rôle dans le drame. Ce sera très intéressant. Il est malheureux que vous ne puissiez y assister. J'y assisterai. Affirma Rouletabille. Oh, vraiment ? Vous êtes extraordinaire, pour votre âge. Répliqua le policier sur un ton non dénué d'une certaine ironie. Vous feriez un merveilleux policier, si vous aviez un peu plus de méthode. Si vous obéissiez moins à votre instinct et au boss de votre front. C'est une chose que j'ai déjà observée plusieurs fois, monsieur Rouletabille. Vous raisonnez trop. Vous ne vous laissez pas assez conduire par votre observation. Que dites-vous du mouchoir plein de sang et de la main rouge sur le mur ? Vous avez vu, vous, la main rouge sur le mur ? Moi, je n'ai vu que le mouchoir. Dites. Bah, fit Rouletabille, un peu interloqué. L'assassin a été blessé à la main par le revolver de Mademoiselle Stangerson. Ah, observation brutale, instinctive. Prenez garde, vous êtes trop directement logique, monsieur Rouletabille. La logique vous jouera un mauvais tour si vous la brutalisez ainsi. Il y a de nombreuses circonstances dans lesquelles il faut la traiter en douceur, la prendre de loin. Monsieur Rouletabille, vous avez raison quand vous parlez du revolver de Mademoiselle Stangerson. Il est certain que la victime a tiré. Mais vous avez tort quand vous dites qu'elle a blessé l'assassin à la main. Je suis sûr, s'écria Rouletabille. Fred, imperturbable, l'interrompit. Défaut d'observation, défaut d'observation. L'examen du mouchoir, les innombrables petites taches rondes, écarlates, impression de goutte que je retrouve sur la trace des pas, au moment même où le pas pose à terre, me prouve que l'assassin n'a pas été blessé. L'assassin, M. Rouletabille, a saigné du nez. Le grand Fred était sérieux. Je ne pus retenir cependant une exclamation. Le reporter regardait Fred, qui regardait sérieusement le reporter. Et Fred tira aussitôt une conclusion. L'homme qui saignait du nez dans sa main et dans son mouchoir a essuyé sa main sur le mur. La chose est fort importante, ajouta-t-il, car l'assassin n'a pas besoin d'être blessé à la main pour être l'assassin. Rouletabille sembla réfléchir profondément et dit « Il y a quelque chose, M. Frédéric Larsan, qui est beaucoup plus grave que le fait de brutaliser la logique. C'est cette disposition d'esprit propre à certains policiers qui leur fait, en toute bonne foi, plier en douceur cette logique aux nécessités de leur conception. Vous avez votre idée, déjà, sur l'assassin, M. Fred. Ne le niez pas. » Et il ne faut pas que votre assassin ait été blessé à la main, sans quoi votre idée tomberait d'elle-même. Et vous avez cherché, et vous avez trouvé autre chose. C'est un système bien dangereux, Monsieur Fred, bien dangereux que celui qui consiste à partir de l'idée que l'on se fait de l'assassin pour arriver aux preuves dont on a besoin. Cela pourrait vous mener loin. Prenez garde à l'erreur judiciaire, Monsieur Fred, elle vous guette. Et, ricanant un peu, les mains dans les poches, légèrement goguenard, Rouletabille, de ses petits yeux malins, fixa le grand Fred. Frédéric Larsan considéra en silence ce gamin qui prétendait être plus fort que lui. Il haussa les épaules, nous salua, et s'en alla à grandes enjambées, frappant la pierre du chemin de sa grande canne. Rouletabille le regardait s'éloigner. Puis, le jeune reporter se retourna vers nous, la figure joyeuse et déjà triomphante. « Je le battrai, » nous jeta-t-il. « Je le battrai, le grand Fred, si fort soit-il. Je les battrai tous. Rouletabille est plus fort que tous. Et le grand Fred, l'illustre, le fameux, l'immense Fred, l'unique Fred résonne comme une savate. Comme une savate. Comme une savate. » Il esquissa un entrechat. Mais il s'arrêta subitement dans sa chorégraphie. Mes yeux allèrent où allaient ses yeux. Ils étaient attachés sur M. Robert Darzac qui, la face décomposée, regardait sous le sentier la marque de ses pas à côté de la marque du pas élégant. Il n'y avait pas de différence. Nous crûmes qu'il allait défaillir. Ses yeux, agrandis par l'épouvante, nous fuirent un instant, cependant que sa main droite tiraillait d'un mouvement spasmodique le collier de barbe qui entourait son honnête et douce et désespérée figure. Enfin, il se ressaisit, nous salua, nous dit d'une voix changée qu'il était dans la nécessité de rentrer au château, et partit. « Diable !» fit Rouletabille. Le reporter, lui aussi, avait l'air consterné. Il tira de son portefeuille un morceau de papier blanc, comme je le lui avais vu faire précédemment, et découpa avec ses ciseaux les contours de pieds élégants de l'assassin, dont le modèle était là, sur la terre. Et puis, il transporta cette nouvelle semelle de papier sur les empreintes de la bottine de M. Darzac. L'adaptation était parfaite. Et Rouletabille se releva en répétant « Diable !» Je n'osais pas prononcer une parole, tant j'imaginais que ce qui se passait en ce moment dans les bosses de Rouletabille était grave. Il dit « Je crois pourtant que M. Robert Darzac est un honnête homme. » Il m'entraîna vers l'auberge du donjon que nous apercevions à 1 kilomètre de là sur la route, à côté d'un petit bosquet d'arbres. En complément de programme, en collaboration avec audiocité.net, les éditions de l'avenir présentent « Nouvelles histoires extraordinaires » d'Edgar Allan Poe. Le masque de la mort rouge. La mort rouge avait pendant longtemps dépeuplé la contrée. Jamais peste ne fut si fatale,